Combien de marins sur un petit vapeur qui navigue aux alentours de Terre-Neuve? Disons, une quinzaine au maximum. Le petit navire est presque une affaire de famille. Combien de marins, mais aussi combien de capitaines? Là est la question. Ce jour-là, le Saint-Yves est en pleine campagne de pêche hauturière, que l'on nomme aussi pêche au large. Il est loin de sa base de Concarneau et de sa citadelle. Pour l'instant, le Saint-Yves est un peu perdu dans la purée de pois au large de Terre-Neuve, de l'ancienne île de Bacalaos, comme disaient les Basques. L'île des morues est riche en poissons, mais elle est aussi riche en dangers de toutes sortes. Marcel Lodisquaire, le commandant en second, a du mal à faire le point. Il grommelle en breton dans sa barbe. Puis il se résout à rejoindre le commandant Yann Crozier. L'endroit le plus vraisemblable pour rejoindre le commandant, c'est le poste de commandement où normalement il doit se trouver. Avec l'humidité ambiante, Marcel a du mal à ne pas glisser sur le pont. Mais enfin, il entre dans le poste de commandement. La première personne qu'il y trouve lui tourne le dos. Marcel voit une vareuse en gros drap bleu et ouvre la bouche. « Patron, j'ai des problèmes. » Mais la personne qui se trouve dans le poste se retourne lentement. Marcel reste avec sa phrase en suspens. L'homme qui le dévisage n'est pas le commandant. Ce n'est d'ailleurs personne que Marcel connaisse parmi les membres de l'équipage. Marcel se dit l'espace d'un éclair. « Mon vieux, faut que tu arrêtes de mettre du chouchen dans le café. » L'inconnu est un homme d'environ 45 ans. Il est tête nue, il arbore une barbe poivre et sel. Il a l'air distingué d'un monsieur bien. Rien à voir avec le style du patron. Son visage couperosé, son air rigolard. Pas de bouffarde non plus. L'inconnu fixe Marcel les yeux dans les yeux. Et ce regard rend Marcel mal à l'aise. D'autant plus que l'homme ne prononce pas une parole. Du coup, Marcel se sent timide. Il bredouille « Excusez-moi ». Il ne songe même pas à demander à l'inconnu qui il est, ni surtout ce qu'il fait là au poste de commandement. Faut dire que l'autre l'a regardé avec tellement d'intensité que Marcel s'est vaguement senti coupable. De Dieu sait quoi. En quelques enjambées, Marcel se retrouve au niveau du pont supérieur. Le capitaine est là, le nez sur ses instruments. « Patron, patron !» Sous le coup de l'émotion, Marcel se retrouve incapable d'en dire plus long. Il fait des gestes qui indiquent vaguement le bas, vers le poste de commandement. « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, mon vieux ? Patron, dans le poste de commandement ? Ben quoi, dans le poste de commandement ? Il y a le feu ? Non, non, non, il y a un mec ! Il y a un mec que je connais pas ! Un mec que tu connais pas ? Un passager clandestin ? Mais tu rigoles ou quoi ? On pourrait pas planquer un enfant de 4 ans dans le Saint-Yves ! Un passager clandestin ! Tu dérailles, hein ?» Tandis que les deux hommes se dirigent vers le poste de commandement, Marcel donne des explications. C'est un gars qui a l'air très bien, bien habillé, hein. On dirait un officier de marine, un barbu distingué, pas du tout le genre pêcheur de morue, hein. Mais je comprends pas ce qu'il fait là. D'ailleurs, il m'a regardé d'un drôle d'air, mais il a rien dit, pas un mot. Il se tenait à votre place. Quand je suis entré, j'ai cru que c'était vous, en mieux habillé. Quand le commandant et son second pénètrent dans le poste, celui-ci est vide. Pas besoin de chercher dans les coins. Aucun endroit où un homme normalement constitué puisse se dissimuler. Alors Marcel, hein ? Il est où ton bonhomme ? Ben, je sais pas. En tout cas, j'ai pas rêvé, il était bien là. Il est peut-être descendu par l'autre échelle, il est peut-être en bas. Je sais pas, moi, il est peut-être avec les gars. En examinant le poste, le patron fait une découverte. Marcel, t'as vu ça ? Qui a écrit ça sur l'ardoise ? Sur l'ardoise ? Ben, j'ai pas eu le temps de rien regarder, à vrai dire, j'ai eu la frousse de ce mec sorti de nulle part. Le commandant tient une ardoise. Normalement, il s'en sert pour faire des calculs ou prendre des notes destinées à être effacées par la suite. C'est toi qui as écrit ça ? Mais j'ai rien écrit du tout, patron ! D'ailleurs, vous voyez bien que c'est pas mon écriture. Jamais je n'ai été capable de faire de belles lettres. Celui qui a écrit ça, c'est un monsieur, hein ? Sur l'ardoise, quoi qu'il en soit, le commandant et son second peuvent lire une courte phrase, une sorte d'ordre, sans appel. Gouverner Nord-Ouest. Le patron n'aime pas du tout qu'on lui dise ce qu'il a à faire, même par ardoise interposée. Enfin, c'est plus fort que le jeu au bouchon. On va savoir qui se livre à ce petit jeu. Toi, Marcel, tu restes ici, je veux en savoir plus long. Quelques minutes plus tard, tous les marins sont réunis dans le carré, le patron prend un air un peu sévère, ce qui n'est pas dans ses habitudes. « Bon, vous allez tous prendre un bout de papier et un crayon. Allez. Bon, maintenant, je veux que tout le monde écrive « Gouverner Nord-Ouest ».« Gouverner Nord-Ouest », allez plus vite que ça. » Les hommes prennent la chose un peu à la blague. « Je croyais qu'on était parti pour pêcher la morue, et voilà qu'on se retrouve à faire des pages d'écriture comme à la communale. Est-ce que ceux qui ne feront pas de faute d'orthographe auront une prime? C'est moins fatigant que de ramener les filets. » « Écrivez, et un peu vite, hein. J'ai pas de temps à perdre. Je vous expliquerai pourquoi. » Une fois les copies ramassées, aucun doute n'est possible, personne parmi les pêcheurs aux mains calleuses n'a pu tracer les trois mots qui sont inscrits sur l'ardoise. Personne n'est capable de tracer cette élégante calligraphie anglaise. « Voilà ce que je viens de trouver dans le poste de commandement. Avez-vous une idée? Qui a pu écrire ça ?» Il faut dire que Marcel vient de rencontrer là-haut un homme, un officier de marine apparemment. L'autre est un barbu d'une cinquantaine d'années. Il a regardé Marcel sans rien dire et ce pauvre Lodi Square a eu la trouille de sa vie. Personne n'a rien vu. Du coup, les marins pêcheurs restent silencieux. Pour des Bretons, la mer et les fantômes font partie du vécu quotidien de l'enfance. Ils n'osent rien dire, mais tous ont la même pensée. Un fantôme à bord, ça n'annonce rien de bon. Rien du tout. Le commandant dit « En attendant, vous allez me fouiller le Saint-Yves, hein, de la cale au hunier, si l'on peut dire. S'il y a un passager clandestin à bord, je veux qu'on me le ramène par la peau des fesses et qu'il nous dise un peu ce qu'il fabrique à bord. S'il y en a un, il a certainement un complice parmi vous, car on ne voit pas comment il aurait pu se nourrir depuis trois semaines sans qu'on s'aperçoive de rien. » Mais la fouille minutieuse du Saint-Yves ne donne rien, pas le moindre passager clandestin, pas le moindre indice d'une présence incongrue, pas de couverture abandonnée dans un coin, pas de relief de repas, pas de bougie. Et puis, comment un passager clandestin aurait-il pu pendant trois semaines satisfaire aux exigences de la nature sans que personne ne l'aperçoive, sans que personne ne l'entende? Après avoir longtemps hésité, Yann Crozier, le commandant, se décide. Bon, allez, on va aller dans la direction indiquée. Cap Nord-Ouest, on verra bien. Puis on prend pas de gros risques, hein. Qui sait? On va peut-être tomber sur une pêche miraculeuse. De toutes les façons, si rien ne se passe d'ici 48 heures, ben on pourra toujours essayer dans un autre secteur. En remontant vers le nord-ouest, le Saint-Yves aborde des parages plus dangereux. De petits icebergs dérivent. On en aperçoit une partie, mais il faut se dire que l'essentiel est sous la mer. Pas question d'en approcher de trop près. Pourtant, Yann Crozier ne se sent pas inquiet. Quelque chose, une sorte d'intuition lui dit qu'il fait ce qu'il faut en suivant le cap nord-ouest, comme s'il recevait un message télépathique. La vigie est particulièrement vigilante et scrute l'horizon à la jumelle. Soudain, tous les marins qui sont sur le pont occupés à haler les filets frémissent. Navire à tribord ! En fait, navire, le marin de vigie aurait pu aussi bien dire navire pris dans les glaces à tribord. En effet, dans la lumière éblouissante de cette belle journée glaciale, l'équipage du Saint-Yves aperçoit au détour d'une énorme falaise de glace qui brille de mille feux un navire, un petit chalutier. Il est prisonnier d'une énorme plaque de glace qui elle-même est prise entre deux énormes banquises. Comment ont-ils pu aller se faire piéger là-dedans? Tout autour du petit navire prisonnier de la glace, on voit de petites silhouettes humaines qui s'agitent sur la glace. Les marins ont même allumé un feu. En haut du grand mât, un drapeau français. Yann fait mettre un canot à la mer, il y monte avec Marcel Lodisquaire et quatre hommes. Et à force de rames, le petit esquif se dirige vers la plaque de glace qui s'est refermée sur le navire prisonnier. Là-bas, les hommes ont quitté le feu pour courir vers les marins du Saint-Yves. « Oh ben enfin! On a cru qu'on allait y rester. Voilà 12 jours qu'on est coincé là. Notre radio est tombé en panne, impossible de réparer. Et puis, on sent bien que la banquise se resserre sur notre affio. » Nous, on est le Notre-Dame-des-Mers, de Douarnenez. » Un des marins du Saint-Yves étreint un de ceux du Notre-Dame-des-Mers. Ils expliquent « On est cousins germains. La mer est grande, mais le monde des pêcheurs bretons est petit. » Une fois sur la glace, Yann et ses hommes se dirigent vers le Notre-Dame-des-Mers. Et pas de doute, la banquise, avec sa force incalculable, a commencé à broyer les flancs du bateau prisonnier. Et en admettant que l'équipage ait pu survivre, ça aurait, sans aucun doute, été le naufrage garanti. Yann et Marcel se sont hissés sur le pont du Notre-Dame. Le capitaine du navire naufragé surgit du poste de commandement pour les accueillir. Il est accompagné d'un autre homme. Marcel est en train d'escalader les derniers échelons quand il l'aperçoit. Et il manque lâcher l'échelle. Mais c'est lui, patron! C'est lui que j'ai vu sur le Saint-Yves! Effectivement, le passager de Notre-Dame est un homme distingué et barbu. On s'explique sur le mystérieux message écrit sur l'ardoise. Le capitaine de Notre-Dame donne un détail étonnant. Effectivement, notre passager, le docteur Rosemar ici présent, est tombé dans un sommeil profond avant-hier. Et quand il s'est réveillé, il nous a déclaré « Ne vous inquiétez pas, dans un ou deux jours, un navire morutier va arriver et nous tirer de là. » Et le plus fort, c'est qu'il a donné une description exacte du Saint-Yves.